Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers de notre réseau, Excellences, Messeigneurs, Révérends Pasteurs, les abbés, Mesdames et Messieurs les participants dans cet atelier, tout protocole observé. Au nom du réseau des confessions religieuses, de lutte contre le sida pour la promotion de la santé et en mon nom propre, il est de mes obligations de vous remercier au fond de mon cœur d'avoir répondu présent à cet atelier. Un atelier d'information des leaders religieux sur l'épidémie de la malaria au Burundi et un atelier qui appelle aux confessions religieuses, non seulement les leaders de ces confessions, de chercher une solution et de chercher des solutions qui sont vraiment engagées à lutter contre cette épidémie, de chercher une réponse pérenne et efficace. Nous savons que la mission des confessions religieuses, non seulement les églises chrétiennes, est pour participer et être avec toute personne dans ses souffrances et ses joies. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour conjuguer nos efforts et travailler ensemble en ce qui concerne la lutte contre le paludisme au Burundi. Nous savons tous que le paludisme constitue la première cause de morbidité et est par ailleurs source de 39,4% des motifs de consultation dans les centres de santé et 52,6% des cas de paludisme confirmés sont rapportés chez les enfants de moins de 5 ans. Ce que représentent ces pourcentages en chiffres, je suis sûr et certain que le directeur général de la planification va traduire ça et on va comprendre effectivement l'importance de cet atelier et l'engagement qui nous est demandé pour ce moment. L'anémie est associée au paludisme dans 67% des cas de chez les enfants et les données actuelles montrent que les cas de paludisme sont en augmentation depuis les 5 dernières années avec un pourcentage important au premier trimestre de 2017. Depuis 2013, le paludisme s'est manifesté à une échelle très inquiétante. Pour rappel, en 2014, le rapport de l'OMS indiquait que plus de 4 millions de cas de paludisme ont été enregistrés. En 2015, le nombre de patients était de plus de 5 millions pour dépasser 7 millions en 2016 dans un pays qui compte environ 11 millions d'habitants au Burundi. À la fin de cette semaine, au début de cette semaine, moi j'étais à Matana, qui est normalement une région tempérée de Mugamba, et où il n'y avait pas beaucoup de morts de malaria. Mais seulement dans la semaine passée, moi, à l'hôpital de Matana, il y a eu 8 morts, des enfants, des adultes tués par le paludisme. Ça, c'est un cas qui est très parlant. Le Burundi a déclaré l'épidémie de malaria après la mort de 700 personnes depuis le 1er janvier au 10 mars de cette année. Et aujourd'hui, nous sommes à 1470 décès dus au paludisme. Le pays compte plus d'1,5 million de cas confirmés. Mais vous savez bien que moi, que le paludisme provoque des conséquences néfastes du fait qu'il cloue souvent des victimes au lit, les empêchant de vaquer à leurs activités quotidiennes, que cette maladie est pour la majorité des Burundais synonyme d'une perte de revenus importants et constitue un lourd fardeau pour les familles des victimes et que le paludisme entrave également la scolarité des enfants et le développement social en raison de l'absentéisme. Les victimes du paludisme doivent en effet dépenser à l'achat des médicaments et aux frais d'hospitalisation sans oublier qu'ils sont inactifs au cours de la maladie. Avec ces dépenses des familles des victimes, celles-ci s'approvisent quotidiennement. Et par conséquent, quand les familles s'approvisent, le pays en souffre car le taux de taxes et impôts diminue lorsque la force productrice diminue. Ça, ce n'est pas seulement le rôle et la responsabilité du gouvernement, mais je crois que nous sommes tous interpellés. Nous espérons qu'à la sortie de cet atelier, nous aurions compris que le fait de vous inviter à se lever comme un seul homme pour la lutte contre le paludisme est une contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population burundaise en général et des plus pauvres en particulier, et plus encore pour une génération viable des Burundais. Et rappelons-nous, mes chers amis, tous ces Burundais victimes de cette épidémie du paludisme ont une croyance religieuse, que donc, par conséquent, toutes ces personnes qui meurent du jour au jour, qui sont dans les hôpitaux, qui s'absentent à l'école et au travail, qui deviennent des vulnérables orphelins, veufs et veuves suite au paludisme, sont nos fidèles que nous aimons beaucoup et nous sommes appelés à protéger afin qu'ils aient une vie et une vie abondante. Chers amis, pour ce qui nous concerne, en tant que réseau ou même en tant que confession religieuse regroupée au sein du réseau, nous vous appelons à ne pas désespérer, mais plutôt à être déterminés, à engager pour que la contribution des confessions religieuses puisse jouer un rôle prépondérant dans la prévention, dans l'alerte pour le traitement précoce, dans le plaidoyer pour une mobilisation accrue des ressources et aussi plaidoyer pour que les médicaments qui sont disponibles puissent être disponibilisés en traitement précoce, qu'on puisse être aussi prendre en charge les orphelins, les veufs, les veuves et toutes ces populations pauvres victimes de cette épidémie. Nous aimerions qu'à la fin de cet atelier, comme je le disais, nous puissions avoir notre engagement pour une lutte efficace et pérenne de cette épidémie qui se concrétisera par notre détermination à élaborer un plan opérationnel durable et réaliste des confessions religieuses pour faire face à cette épidémie. Je ne saurais pas terminer mes propos sans remercier infiniment le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida pour, comme notre partenaire privilégié, et aussi nos partenaires techniques et financiers qui nous ont permis de réaliser ces activités et tenir cet atelier, qui sont toujours de nos côtés. Nous leur disons merci et que Dieu les bénisse. Nous remercions en particulier le Norwegian Church Aid qui a financé, qui nous a permis d'obtenir cet atelier. Et aux intervenants pendant cet atelier, nous vous remercions d'avoir accepté facilement à nous aider dans cette activité qui est une opportunité pour nous, les leaders religieux et nos services techniques, de renforcer nos capacités, nos connaissances et nous vous demandons de profiter de la présence de tous ces participants et de se rassurer que nous faisions notre la réponse contre les deux maladies. Nous avons de la chance car les recommandations qui sont issues de cet atelier seront mises en œuvre par les services de la santé de nos églises qui sont aussi suffisamment représentés dans cet atelier. En terminant, je souhaite que Dieu vous bénisse, soit au centre de nos échanges et qu'il bénisse nos services, non seulement dans cette salle, mais aussi sur le terrain au Burundi. Je vous remercie.